bien, c'est le mien. Quand j'achète de la vente, j'en fais profiter maman. C'est bien mon fils. Je me suis mis la boule à zéro pour acheter du double zéro. Je suis un putain de Marocain, c'est normal que mon shit soit bien. Le son de la dépendance, écoute le son de la délinquance. Je pense encore à elle tout le temps, j'aimerais anesthésier mes sentiments. Le son de la dépendance, écoute le son de la délinquance. Je pense encore à elle tout le temps, j'aimerais anesthésier mes sentiments. T'as ça rien à prendre, si tu peux pas faire ce que tu veux. Je suis seul et en plus amoureux. Faut que je boive, sinon je pleure et pisse comme un dieu. Avec la même attitude adoptant, y'en a condé. Je t'adore, arrête, t'es chiant. Il va y avoir des morts, et ça dans pas longtemps. Les filles sont des femmes maintenant. J'ai à peine rencontré l'amour et faut que j'oublie. Et ça rapidement, ma vie est une publicité mensongère. T'as pas de meuf, tu vas rencontrer l'amour de ta vie. Si mensongère, c'est que c'était bien prévu. Mais elle m'a pas aimé, comme promis. Promiscuité, promiscuité, c'est bien, même pas fait les préliminaires. Suicide meurtrier, prémédité. J'arrive pas à me décoller cette gadjique, je saoule même en tant qu'ami. J'arrive pas à me décoller, car l'alcool ça pègue. Faut que j'aime me défouler dans la pègre. Des vieilles filles, j'en ai jamais touché. Les mauvaises notes me donnent envie de ne pas travailler. C'est coup d'art coquin, on sent bien avec le malin. Lève les mains pour l'alcool, il est malin. La camel est maline, elle surveille pas bien maline. Mon existence m'ennuie, j'suis pas comme un prof ou un psy. Je m'en fous de tes problèmes, j'ai déjà trop à faire. Gros marche au galop avec différents moi-même. Même trop avec le garrot, elle dit même derrière les barreaux. T'as pas une galop? Je te m'excuse si j'expose ton mec avec ma bière. J'suis trop fou de toi, j'ai besoin de camel ménère. On est trop dépendant, oublié ses pendants. Personne ne voit quand j'suis en train de pleurer. J'ai le sang chaud et j'ai fait froid. Il y a que ma bouteille pour me chauffer. Elle m'aura peut-être aimé dans d'autres circonstances. Alors écoute le son de la dépendance. Le son de la dépendance, écoute le son de la délinquance. Je pense encore à elle tout le temps. J'aimerais anesthésier mes sentiments. Le son de la dépendance, écoute le son de la délinquance. Je pense encore à elle tout le temps. J'aimerais anesthésier mes sentiments. Le shit c'est comme un coupé cabriolet, c'est bon, c'est cher, mais une fois acheté, la pédale enfoncée, faut le contrôler refrain. Sinon tu fonces droit dans le mur, même dans les dérapages, ne jamais braquer. Il n'y a pas d'âge pour fumer, il suffit d'être mûr dans sa teuté. Si tu ne sais pas t'arrêter, alors abstiens-toi ou tu finiras en marge de la société et le cerveau parti en fumée. Alors entre deux défonces, si t'as assez d'énergie pour déplacer jusqu'à ta glace, regarde-toi, le teint livide, le visage mou, les yeux minuscules et les dents jaunes. Alors agis vite, jette ta barrette ou donne-la moi. MC Golen n'aime pas le pollen. Le son de la dépendance, écoute le son de la délinquance. Je pense encore à elle tout le temps, j'aimerais anesthésier mes sentiments. Le son de la dépendance, écoute le son de la délinquance. Je pense encore à elle tout le temps, j'aimerais anesthésier mes sentiments.